Bonjour et bienvenue sur Comic Stories pour le 313e épisode de notre podcast. Un épisode qui va reprendre la formule presque habituelle depuis à peu près un an. Nous serons en tandem avec Boris. Bonjour à tous. Eh oui, on a perdu... Nous avons perdu Clément en route, mais alors, c'est pas dit que... c'est un peu notre tradition depuis, on va dire, depuis un an. On est en tandem et Clément apparaît. Il faut avoir l'invité surprise. Voilà. Donc, on n'est pas à l'abri que d'ici 10-15 minutes, je vous dise, et voici Clément qui arrive parmi nous. C'est sa spécialité. Il aime bien faire sa diva. Alors, accordons-lui. Boris, on ne va pas spoiler encore, mais tu t'apprêtes à faire amende honorable dans cette émission. Oui. Ça va être dur. Ça va être le moment délicat pour moi. Ça me fait bien plaisir. Pour ceux qui maîtrisent la continuité Comic Stories et qui ont écouté les numéros 311-312, vous comprendrez pourquoi il fera amende honorable tout à l'heure, au moment où il le fera. En attendant, on va commencer par la VF. Oui, tu allais dire un truc, pardon. Non, j'allais dire que ce sera très court. Hein. Je ne veux pas exagérer quand même. Pas non plus se faire trop de mal. Je disais donc qu'on va commencer par la VF pour ne pas spoiler les lecteurs VF qui ne voudraient pas savoir de choses par rapport aux sorties VO, surtout qu'il risque d'y avoir quelques spoilers au moins dans mes reviews. Du côté de la VF, tu as quelques news, alors pas forcément toutes fraîches de cette semaine, hein, puisque cet enregistrement, pour tout vous dire, a été repoussé plusieurs fois, donc il y a peut-être des choses qui datent d'il y a quelques semaines, mais ça mérite quand même d'être abordé. Et on commence avec Savage Dragon. Oui, Savage Dragon, dont j'avais parlé il n'y a pas si longtemps en VO avec les tomes Archives, que j'avais beaucoup aimé, le premier tome. Savage Dragon avait été édité par Delcourt il y a un certain nombre d'années déjà, mais ça n'avait pas spécialement marché, donc il y avait eu un seul tome. Bon, a priori, moi je ne l'ai jamais lu, mais la constitution du tome était faite de façon à ce que bon, c'était pas forcément hyper motivant et facile de rentrer dans la série. Donc là, ça va être repris chez un éditeur qui s'appelle Black and White, qui est un petit éditeur qui a fait pas mal de rééditions, notamment de comics français. Moi, je crois que c'est chez eux que j'avais pris Photonique, de Jean-Yves Midon, je crois. Bon, là, ils reprennent, donc ils vont redémarrer Savage Dragon, mais pas au 1, ils reprennent à partir du 193, donc c'est un moment charnière, on va dire, de la série, où c'est le fils de Savage Dragon qui prend les rênes, on va dire. Donc, un premier tome qui va aller du 193 au 198. Donc, deuxième chance, on va dire, en VF pour Savage Dragon. Donc, si ça vous dit, vous pouvez tenter. Moi, en VO, j'en suis bien loin de ces numéros. Donc, je ne peux pas vous dire ce que ça vaut exactement. Oui, parce que toi, je crois que tu nous as parlé des classiques, des tout premiers numéros que tu avais lus dans un gros bouquin, c'est ça? Oui, ça s'appelle Archives. Archives. Donc, je pense que le 193, là, il en est à combien? Je ne sais même plus. 259. Le 259 est sorti ce mois-ci. Donc, une soixantaine, on va dire qu'il y a ça quelques années de retard. Moi, ça doit être... 200, je sais pas, ça doit être autour du tome 7 ou 8 en archive, et j'ai juste commencé le 2, donc j'en suis loin. Mais voilà, donc peut-être bon jumping point, comme on dit, peut-être bonne idée pour ceux qui veulent voir et démarrer un petit peu, même si a priori, par rapport au début de la série, c'est un petit peu quand même orienté différemment en termes de thématique. Mais deuxième chance, moi je pense que ça peut se tenter, ça peut être pas mal pour la série. Et si ça marche, peut-être qu'ils en viendront à republier les premiers épisodes façon archive, comme je les ai lus en VO. Oui, qui sait. En plus, c'est des gros volumes avec beaucoup, beaucoup de pages pour pas trop, trop cher par rapport à la quantité. Ce genre de format, c'est sympa. Ouais, après, Black and White, c'est pas un éditeur qui produit ce type de format et de qualité. C'est quand même des bouquins de belle qualité. Je pense pas qu'ils se lancent dans un format cheap, on va dire. Ouais. Maintenant, il y a 193, 198, ça fait 6 épisodes, ça va être un petit tome. Hein. Mais pourquoi pas, d'ici quelques années, si la série fonctionne, on peut espérer peut-être qu'ils reviennent en arrière avec des tomes anthologiques un peu plus épais. Donc voilà, si ça vous dit, si vous êtes intéressé, allez jeter un œil. Ça peut valoir le coup. Alors, c'est pas un éditeur qu'on retrouve beaucoup et qui est hyper populaire, mais voilà, on en aura parlé, donc je pense que la France entière sera au courant. Évidemment, c'est là on est Hein, sûr que ça n'est-ce fera pas? partie des meilleures ventes de l'année 2021. C'est évident, avec notre influence. C'est un coup. Un crowdfunding, est-ce qu'il est encore en cours du coup depuis J'en sais rien. Parce que quand je l'ai noté, je ne sais même pas s'il avait commencé. Oh, j'en sais rien. Bon, c'est pas grave. Il y a eu un crowdfunding, ou il y a encore un crowdfunding Metal Hurlant. Je peux aller vérifier, mais donc le Vas-y, pendant que tu magazine. parles, je regarde. Ok. Magazine de BD underground qui a existé dans les années 70-80, qui a arrêté, qui avait repris un petit peu, je crois. Alors je sais plus si c'est fin des années 90, début 2000, mais bon, qui avait redémarré pour quelques numéros, puis qui s'est de nouveau arrêté. Donc là, ça, il relance le projet sous forme de crowdfunding, donc avec une prise de risque un peu minime. Donc là aussi, ça peut être sympa de reprendre. Alors je crois qu'il va y avoir à la fois des numéros qui seront constitués de nouvelles séries, de nouveaux épisodes, et puis certains numéros qui seront basés sur de l'ancien, des reprises de ce qu'ils avaient fait dans les années 70. Donc une version A et B, on va dire, en alternance. Donc voilà, ceux qui sont fans ou qui veulent voir un petit peu ce qui se faisait avant et ce qui va pouvoir se faire, peut-être une bonne idée. Donc je sais pas si tu as trouvé. On nous annonce du Mathieu Babelais, quand même, Oui, je crois qu'il dans l'eau, va y du avoir Brian Bendis, je ne sais pas si tu connais. malheureusement, ça dépend. Oui, j'avais vu son nom, je crois, effectivement. Voilà, Donc à voir il fait partie des noms. si... Les contreparties commencent à 68 euros pour les abonnements, parce que c'est de l'abonnement. En fait, ils sont en train de faire une campagne pour recruter des abonnés, en fait. D'accord. Enfin, c'est la contrepartie basique, c'est 68 euros pour un abonnement d'un an. Donc 4 numéros, ça sera un trimestriel, 250 pages par numéro. Sinon, il y a possibilité d'avoir juste le numéro 1 pour 19 euros, qui est annoncé pour une sortie en septembre. Et il reste 27 jours aujourd'hui, 26 juin, quand nous enregistrons cette émission, avec pour le moment 787% atteints sur le financement. Ils Bien. espéraient 1 000 préventes, ils en ont fait 7 865 pour le moment. Gros succès quand même. Donc, ouais. Non, mais c'est bien si ça peut relancer la machine. Pourquoi C'est pas? Ouais, c'est toujours cool. intéressant. Je... Ensuite, j'avais noté une intégrale Brit chez Delcourt pour 2022. J'ai vu passer ça. Donc Brit, c'est du Robert Kirkman dans l'esprit invincible. C'était sorti en tome simple il y a quelques années chez Delcourt. C'est aussi du super-héros un peu dans cet esprit-là. Donc là, ils refont dans leur grande tradition depuis quelques années des intégrales. Donc ça va sortir en 2022. Ok. Voilà. Et puis dernière chose, Panini qui possède la licence TKO. On avait déjà annoncé quelques sorties estivales. Et là, ils ont rajouté The Banks que j'avais lu et que j'ai dû chroniquer sur le site à l'écrit. Donc vous pouvez aller jeter un œil. Une bonne série sympathique, pas la meilleure du label pour le moment, mais une série efficace sur petit peu du ambiance thriller, crime dans les années 70, assez sympathique. Voilà pour les news. Ouais, très bien. Moi, j'en avais une, mais depuis les 3 minutes qui se sont écoulées, je l'ai oubliée. Donc, peut-être qu'elle me reviendra et que j'en parlerai du coup après ta review, parce que là, tu vas nous faire une chronique d'un titre VF. Ouais, be belle intervention, merci. Ouais, je sais, ouais, je suis toujours comme ça, moi, tu vois. Pertinent, percutant, et puis toujours à propos. Bref, vas-y. Alors moi, vas-y, allons-y, pardon. Je vais parler de Psylord qui est sorti chez Bliss Édition. Alors j'avais chroniqué le premier numéro en VO, que j'avais trouvé intrigant. Assez sympathique sans être exceptionnel. Alors c'est du Fred Bonlanti et au dessin, bah moi aussi j'ai oublié, comme ça va plus vite. Je Et vais bim, retrouver. voilà. Oh là là, mon Dieu, on est en petite forme. Hein. Je vais retrouver, c'est pas grave. Donc c'est une série de SF. Alors Psylord, c'est une série qui est sortie dans les années 70 aussi, dans le premier univers Valiant. Voilà, c'est Renato Guedes, le dessinateur. C'était sorti dans les années 60, 90, pardon. Donc c'est une de ces séries qu'ils ont reprises et mises au goût du jour. Fred Van Lanty et Arthur Armstrong. Donc moi j'avais carrément accroché cette série. Donc je suis allé voir. Alors même si a priori c'est de la SF, Ça parle de divinité, de prison extraterrestre, spatiale, enfin quelque chose d'assez sérieux, avec des concepts assez poussés quand même, qui sont assez intéressants. Et malheureusement, l'exécution est très mauvaise, j'ai trouvé. C'est pas du tout. Alors peut-être que certains lecteurs aiment bien, mais moi c'est pas du tout mon truc. C'est-à-dire que entre deux tirades, deux affrontements ou deux rebondissements très sérieux, on va dire, et très SF, les personnages, là il y a quatre personnages qui sont censés être l'élite de la Terre. Pour venir délivrer un ancien humain qui était parti en expédition et le but étant de sauver la Terre, quoi. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Donc ces quatre personnes qui sont voilà, des intellectuels de haut niveau, etc., font des blagues de cours de récré, toutes les trois bulles. Et enfin, moi j'ai trouvé ça assez insupportable. Donc j'ai été très déçu par cette série. J'en attendais quand même beaucoup. Le scénariste, pardon, Fred Volanti, voilà, j'avais lu en plus d'Harbinger d'autres titres de lui chez Valiant que j'avais bien aimé. Et en fait, enfin, je ne sais pas pourquoi il a choisi de. Alors peut-être que c'était l'esprit originel de la série des années 90 aussi, je ne sais pas. Mais pourquoi ponctuer voilà, c'est son intrigue de blague à 2 francs. Enfin, on a l'impression que vraiment c'est un concours de celui qui fera la blague la plus ridicule et la plus naze. Et honnêtement, j'ai failli pas le finir, tellement ça m'a saoulé. Ah oui. Bon, j'ai été jusqu'au bout. Ah oui, il y a un moment, je me suis dit, je vais arrêter, c'est pas la peine. Alors que l'histoire de base et le déroulement, le concept me tentait, m'a plutôt intéressé globalement. Mais c'était tellement insupportable. Honnêtement, ouais, non, j'ai failli arrêter. Donc j'ai été jusqu'au bout voilà, pour essayer de voir un petit peu comment ça se terminait, si l'intrigue était vraiment intéressante. Bon, l'intrigue était pas trop mal, même si la fin est bon, un peu bof, un peu quelconque. Mais non, quoi. C'était pas possible, quoi. J'ai vraiment été déçu et je comprends. Enfin, moi, je comprends pas cette façon de faire. C'est vraiment étrange, quoi. Tout tombe à plat, en fait. Toute la construction, le sérieux mis derrière l'intrigue, l'ambition installée, tombe systématiquement à plat par des punchlines. J'allais dire à 2 francs, mais ça révèle mon âge, à 2 euros. Voilà, j'ai trouvé ça décevant. Donc, pourtant, voilà, j'avais envie de redonner un peu une chance à Valiant et à Bliss, parce que Valiant a quand même des difficultés en VO. Bon, donc Bliss a du mal à suivre derrière pour sortir des titres de qualité de cet univers. Hein. Donc je m'étais dit, voilà, c'est l'occasion de redonner un petit coup de peps. Et puis, bah non, pas du tout, en fait. Donc malheureusement, je ne pourrais que déconseiller ce titre. Ça m'arrive rarement, mais Oui, vraiment déçu. Hein. on est plus habitué à devoir distribuer des 10 à tout va. Voilà, je suis un peu bisounours quand même. Hein. Mais bon, il y a des trucs des fois que j'aime pas, donc je parle pas forcément. Mais là, c'est pas juste que j'aime pas. J'ai trouvé ça vraiment mal fait, quoi. Mal D'accord. fait, mal écrit, mal exécuté. Donc vraiment, c'est vraiment bizarre. Ok. D'ailleurs, en regardant un peu sur d'autres sites, sur des réseaux, etc., je n'ai pas vu beaucoup de personnes en parler, donc ça n'a pas dû avoir un énorme succès. Oui, souvent, quand on n'entend pas parler d'un truc, c'est que, voilà. Voilà, même si Bliss proposant toutes ses sorties maintenant, ou quasiment toutes ses sorties en crowdfunding d'abord sur Ulule, ben en fait, je me suis aperçu que sur les réseaux, ils communiquent que là-dessus. Et quand un bouquin sort, par exemple, là, j'ai chroniqué le Kaiju Max, qui lui, par contre, est excellent. C'est pas du. Pas du Valiant, mais j'ai lu le volume 2 qui est vraiment au moins aussi bon, voire meilleur que le premier. Et j'ai été voir un peu sur leur réseau, et en fait, ils en parlent pas du tout. Parce que comme ils ont déjà fait la campagne Ulule il y a plusieurs mois, bah là, ils sont sur une autre campagne, et en fait, le bouquin sort en librairie, et ils en parlent quasiment pas. J'ai trouvé ça assez surprenant, quand même. Oui, c'est une stratégie assez Bon. étrange. Bah ouais, puis maintenant, ils proposent toutes leurs sorties comme ça. Donc c'est vrai que financièrement, je pense que c'est une garantie pour eux. C'est pour ça que ça fonctionne comme ça. Mais après, en termes de librairie, enfin, je sais pas, qu'il n'y ait pas de Oui, une fois que promo ou peu de ça sort en promo de librairie, fait. il faut le promouvoir le truc, parce qu'après, tu prends le risque quand même de Bah, t'enfermer sur Ulule et de ne un petit peu, ouais. sortir tes livres que comme ça, alors qu'ils ont quand même une vie en librairie qui peut être intéressante. Enfin, je sais pas, c'est Bah, étrange. ouais. Alors après, c'est vrai que moi, ils ont retweeté le tweet qui était sorti sur le site. Donc ils réutilisent, on va dire, les critiques ou les avis des lecteurs qui postent sur les réseaux. Mais de même, j'ai pas eu l'impression qu'ils en parlent beaucoup. Donc c'est un petit peu surprenant. Mais... Ok. Donc voilà, donc Valiant, mauvaise pioche cette fois-ci. Mauvaise pioche, bah tant pis. Il y a quand même effectivement une news. Je savais que j'avais un truc. Ça y est. Je l'ai retrouvé. Et oui, pour la première fois depuis, oulala, depuis 2014, je crois, il n'y aura pas de Frime Comic Book Day France cette année. Il a Ah oui, été c'est vrai, je l'ai vu, j'ai pas été pour pensé. son édition 2021 tout simplement annulé pour des raisons de cuisine interne, de logistique principalement, etc. Enfin voilà, donc pour les amateurs de ce rendez-vous qui a, on le sait, beaucoup de succès chaque année, c'est une triste nouvelle. Du coup, pas de Free Comic Book Day en 2021. Les organisateurs annoncent que c'est juste une annulation pour cette année et que 2022, ils reviendront bien évidemment pour fêter le comics. Voilà, Ouais, c'est un peu... triste nouvelle. Nous n'aurons que le Free Comic Book Day VO, du coup, qui a lieu le 15 août pour les éditeurs américains. Ouais, c'est un petit peu bête. Alors bon, on n'a pas le détail de pourquoi, du pourquoi et du comment. Mais c'est vrai que c'est quand même un événement qui fonctionne et qui met en avant le comics, qui est pas un médium qui réalise beaucoup de ventes, hein, quand même. C'est dans les ventes BD tout confondu, ça représente. Un petit pourcentage, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Alors on ne sait pas exactement pourquoi, mais ça permettait voilà, de mettre en avant quelques éditeurs notamment dont on n'entend pas forcément trop parler d'habitude. Donc Bah c'est ouais. un petit peu. Espérons que ça revienne vraiment l'année prochaine, quoi. Je vais faire une Très bien. petite, une autre petite, une petite acte brève pour annoncer que We Live, un de mes chouchous d'Aftershock des derniers mois, va arriver chez 404. Et ça, Oui, ils en ont parlé. je ne sais pas si on l'avait dit, mais voilà, We Live arrive en français chez 404 et We Live est nommé au Eisner Award cette année. Ouais, Donc c'est quand même. je vais me lancer. Je l'ai pas lu, mais je vais me lancer dans cette série. Effectivement, ça arrivera 2022, je crois. J'ai 404, non, et quelques petits titres qui sortent, mais ça, c'est leur politique. Et je pense que c'est une bonne idée pour démarrer, pour pas y, déjà que le marché est quand même assez rempli. Mais pour l'instant, les trois titres, trois. Moi, j'ai chroniqué tous les titres, j'ai tout lu. Variés et de qualité. Donc, et puis là, on va arriver The Autumnal en septembre ou octobre, je ne sais plus. Alors ça, c'est du très très très bon. Et puis Jonah et The Impossible Monsters de Chris Samnee. Chris et Laura, ouais. Chris et Laura Samnee. Et j'ai rattrapé un peu là en VO les trois premiers, j'en ai parlé sur le site. Le premier épisode, effectivement, a subi pas mal de critiques parce qu'il n'y a quasiment pas de bulles, c'est que de la Oui. narration graphique. Donc voilà, si on le lit tout seul, en 3 minutes, j'exagère peut-être, si on ne prend pas le temps de décortiquer, etc., voilà, si on le lit comme on lit d'habitude, en 2 minutes, c'est lu, hein. Donc c'est vrai que ça a un petit peu perturbé les lecteurs. Moi, je les ai lus les trois à la suite, donc forcément, ça a densifié un petit peu la lecture et mon avis, la positiver, on va dire. Mais je pense que voilà, en TP, on va dire en VO ou en relié VF, ça va être une bonne série tout public, ouais. Ça devrait être très bien. Et puisque j'évoquais les Eisner, est-ce que tu as regardé un petit peu les nommés de cette année? On a quand même du très très lourd, hein. Si je te Vite dis fait, moi j'ai. Ouais. en meilleure série la liste, et que je te demande, je vais te faire la liste des meilleures séries, et tu vas me dire laquelle tu vois remporter, et je te souhaite bon courage. Bitter Root, Daredevil, The Department of Truth, Gaiden Falls, Stillwater et Usagi Yojimbo. Chez IDW. Effectivement, il y a des trucs sympas. C'est compliqué, Effectivement. hein? Ouais. Ah non, mais on le dit, on le répète quand même depuis quelque temps. Il y a quand même de très très bonnes séries qui sortent en ce moment, surtout en indé. Donc, effectivement, on aurait pu rajouter d'autres séries. Là, bon, ça ne vient pas en tête, mais. Bah, Bitter Root l'a déjà eu l'année dernière, je Moi, crois. Hein. je verrais bien Department of Truth. Ouais, c'est probable. C'est. Après, Department of Truth est nommé aussi en meilleure nouvelle série. C'est assez rare que ça arrive, mais Oui. parfois ça arrive. On est nommé en meilleure nouvelle série, en meilleure série tout court. Donc soit ils nomment la meilleure nouvelle série pour laisser la meilleure série à quelqu'un d'autre, ou bref. Oui, il va y avoir une petite popote, Parce que la logique veut que si interne. tu as la meilleure série, Oui, tu as une nouvelle meilleure série. il est difficile de donner une nouvelle série à quelqu'un d'autre, du coup. Oui, bah oui, ça serait pas. ce serait pas logique. Ouais, non, ouais. Bon, on verra bien. Je sais pas quand sont les résultats, mais. Ce sera en août, je crois, habituellement. Je vais scroller un petit peu pour avoir l'info. Non, j'ai pas la date. Non, et on devrait. Alors, pour Department of Truth Stillwater, ça devrait sortir en 2022, je pense, hein, en France. Bon, je Il y a pense. des chances. Je Ça pense. sans doute le Delcourt, peut-être. Peut-être l'Urban, je ne sais pas, mais ça devrait arriver par là. Bah, Urban est à la fête, hein, puisque dans les nommés, il y a quand même pas mal de choses qui publient. Alors, meilleure série limitée, tout ce qui est les mini-séries, on trouve du Barbalian Red Planet, qui est donc du Black Hammer, Decorum, c'est Urban Comics, Far Sector, c'est DC, donc Urban, Strange Adventures, c'est DC, donc Urban, Superman's Pal, Jimmy Olsen, c'est DC, donc Urban, et We Live, du coup, qui est le sixième candidat à la meilleure série limitée. Oui, ils ont du matos qu'ils n'ont pas encore publié, notamment. Mais bon, après, est-ce qu'ils publieront, je ne sais pas. Si c'est récompensé, il y a des chances que ça les motive un peu. Je Ouais. pense notamment au Superman Jimmy Olsen, qui date un peu quand même déjà. Ça doit être dans la sélection, mais ça a dû se finir Oui, ça a dû se finir tout juste dans la juste comme il période, fallait, hein, parce ouais. que moi, il y a longtemps que je l'ai lu. Et pour l'instant, on n'en entendait pas parler, mais peut-être que si ça gagne, ça va sortir. Ce qui serait une bonne idée, ça changerait un petit peu du Batman. Bah ouais. Et c'est vraiment un ton différent, quoi. C'est quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de lire chez DC. Après, Department of Truth, ça a de la concurrence en nouvelle série, hein, parce qu'il y a Crossover en face. Oui, bah oui. Donc, Bah, y a de quoi faire, hein. voilà quoi. Et puis, si on regarde un petit peu les. Je sais pas si je vais trouver les artistes. Ah oui, meilleur scénariste, on a Ed Brubaker, Matt Fraction, Jonathan Hickman, Jeff Lemire, James Anion Ford et Chip Zdarsky. Démerdez-vous avec ça, les gars. Peut faire un collectif, peut-être. Alors, Zdarsky et Anion Ford étaient quand même au-dessus cette année. Je trouve. Ouais. Oui, il y a Case aussi qui est pas mal si on. Il n'est pas nommé. Pas ça. Ah oui, pardon. Ce qui J'ai bien est suivi, ce qui est surprenant. Hein. comme quoi j'ai écouté. Ce qui est surprenant. On nomme un Jonathan Ah oui, Hickman qui signe Decorum et les X-Men. non. Ouais. Et Donny Cates, Ouais. non. Bon. Ouais, moi, effectivement. Bon, moi, j'aurais plus mis Donny Case. Alors, comment il s'appelle? Hickman sur Power of X, House of X, oui. Mais sur la suite des X-Men en ce moment, depuis un an maintenant. Hein. Et puis sur Decorum, moi Decorum, j'ai lu le premier tome, j'ai trouvé que c'était un petit peu comme on dit certaines fois, de la masturbation intellectuelle par moment. Voilà, c'est pour moi, et non, il a moins sa place, on va dire, que les autres ou que Donny Cates, mais après, bon. Les choix sont faits, mais bon. Bah ouais. Michael Red est nommé pour les artistes. Aux côtés de Marco Checchetto, il y aurait Corona, et notamment Mitch Gerard. Enfin voilà, Ah, Sanford Green aussi, que tu aimes bien, je sais. Il est C'est nommé Guitar cette Hero. année. Donc voilà, il y a quand même de belles choses. La liste des Eisner est trouvable un peu partout. Hein. Allez jeter un œil, mais. Après, c'est pas gage de succès, hein, comme l'a dit Sullivan Rowe dans ses vidéos, avec Bitterroot et Invisible Kingdom qui ont remporté chacun un Eisner. Et c'est des séries qui, sans être un complet échec, ont beaucoup de mal à trouver leur public. Hein. Ouais. Donc, alors après, sans doute que lui, il avance l'argument que c'est des séries assez politiques, engagées, etc. Et qu'il n'y a peut-être pas le public pour ça. Il y a peut-être, voilà, les gens veulent du divertissement et point barre. Je sais pas, mais c'est, voilà, clairement, c'est pas les gros succès de chez les Comics. Hein. Et pourtant, c'est des bonnes séries. Hein. Mais Et bon. ouais. Allez, nous allons passer à la VO. Allez, deux petites, enfin, une, en fait, news, qui est, c'est le jeu des chaises nues Ouais. chez Marvel, avec Donny Cates et Ryan Otley, alors surtout Donny Cates, hein, qui va sur Hulk, qui va prendre la suite du Immortal Hulk de Ali Wing, alors pour lequel moi j'en parle plus parce que j'ai beaucoup de retard, mais qui m'a quand même longtemps séduit. Il va falloir que je finisse, ça s'approche, hein, ça signe aux 50, alors là on est à 3 ou 4 épisodes de la fin, je crois. Donc qui prend la place d'Harley Quinn qui lui va aller sur Venom en compagnie de Ram V. Alors Harley Quinn, moi à part Immortal Hulk, le reste j'ai jamais trop aimé ce qu'il a fait. Donc c'était un peu une exception pour moi. Mais par contre Ram V sur Venom ça pourrait totalement le faire. Hein. Ram V, Ça pourrait. moi tout ce qu'il propose là en ce moment et depuis quelques années c'est un de mes scénaristes favoris. Et au dessin, ce sera Brian Hitch, donc C'est peut-être ça la mauvaise qui nouvelle. peut. Oh, ça dépend. J'aime pas Pourquoi? trop. Tu trouves que. Ah oui. Je suis pas fan du tout. C'est un style un peu, oui. Un peu particulier. Après, ça dépend. Et, ouais. Ça peut être bon, comme des. Ça peut être un peu bâclé, mais là, on peut se dire que bon, sur Venom, il va peut-être mettre le Bah, j'espère, paquet. j'espère. Donc ça peut. Voilà, c'est des séries que sans doute j'irai voir pour leur début et on verra comment ça évolue, mais ça peut être des deux belles promesses encore chez Marvel. Ouais. Et puis en bref, parce que moi j'ai noté quelques autres choses en furetant ici et là, le retour de Fable pour un nouvel arc. Ça fait un petit moment que Fable était terminé, donc ils vont revenir pour un arc de 12 numéros, donc dans le Black Label évidemment, hein. Et puis un spin-off avec Batman aussi qui est prévu. Batman versus Bigsby. Bigby, pas Bigsby. Voilà, moi je suis plutôt content de voir Fable revenir, mais bon, si c'est comme Sweet Tooth The Return, je ne sais pas si c'est la meilleure idée. Bref. Tu l'as lu jusqu'au bout? J'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini, mais voilà. Je pense que je vais me relire Sweet Tooth et puis qu'après je ferai The Return et puis on verra. Mais bon, ce que j'en ai vu me plaît pas trop, quoi. D'accord. J'allais dire, mais j'ai pas d'exemple en tête, mais j'allais dire, c'est un petit peu, en ce moment, ils ressortent un petit peu les séries emblématiques hein, d'il y a quelques années. Et ils essaient de refaire des arcs où, pour essayer de rebooster peut-être un petit peu les ventes et le label, etc. Mais c'est vrai qu'on assiste à un petit revival Vertigo et compagnie. Complètement. Ils essayent Complètement. de miser là-dessus. Jeff Lemire, quant à lui, a annoncé son prochain projet en parallèle à Black Hammer. Et son prochain projet sortira chez Dark Horse, comme Black Hammer, du coup, et ça s'intitule Maze Book. Voilà, c'est annoncé pour la rentrée. J'ai vu ça passer. C'est lui qui dessinera Ouais, il aussi. écrit et dessine. C'est vraiment son projet de A à Z, 5 issues de 48 pages chacune. Donc ça fait un bon graphic novel à la fin, c'est cool. C'est Ouais, cool. moi Moi, j'irai voir. J'aime bien quand il dessine. ouais, moi J'aime aussi. bien. Les projets Donc qu'il écrit et dessine en général, voilà. C'est quand même quelque chose de ça, solide. ça, ça a une, ça a souvent là un peu la même tonalité que j'aime bien. Donc on verra si c'est du même dans le même esprit. Mais en général, c'est ces travaux que je préfère quand il dessine. Voilà. Pour mon avis très très profond. Ben oui, mais écoute. Vanish, c'est quoi? C'est pas que de la lessive. C'est aussi le prochain projet de Donny Cates et Ryan Stegman, qui ont Aïe, terminé Venom. j'ai raté ça. Ils viennent de terminer Venom et ils ont annoncé conjointement travailler ensemble sur ce projet, donc Vanish, chez Image Comics, qui serait a priori publié dans un label. Donc, Geoff Jones a lancé son label chez Image Comics. Qui s'appelle merde, Je sais pas, c'est Ghost là où est quelque chose, publié bref, Gégère. voilà, là où il y a Geiger, et du coup, ils intituleront leur label Kids Love Shane, tout comme le nom du premier acte crossover d'ailleurs. Voilà, Scott Snyder aussi a fait son label sur Image. J'ai l'impression que pas mal de grands noms qui débarquent en ce moment chez l'éditeur avec leur label et leur projet, donc c'est cool. De voir Image repartir comme ça. C'est cool. Il donne, on va dire, plus la parole, voilà, à des auteurs un peu qui ont fait leur succès, on va dire. En leur laissant vraiment une totale liberté, j'imagine. Donc ça peut être sympa. Oui. Et puisque j'improvise une petite Vas-y. news aussi que j'ai vu Vas-y. passer, puisque tu parles de graphic novel, etc., il y a le dessinateur Joshua Hickson qui en VF a dessiné Shanghai Red et The Plot, que j'ai beaucoup aimé, va créer un roman graphique d'horreur avec Joey Chiano, que je ne connais pas. Et qui va sortir en début 2022 chez Dark Horse aussi. Donc, un petit titre horrifique à aller voir sans doute. Joshua Hickson était plutôt à l'aise dans ce genre, donc moi j'irai jeter un œil. Ouais. Ça peut être sympa. Eh bien voilà, on a passé presque une demi-heure entre les news et la VF. On Ma foi. va attaquer le dur, on va attaquer les reviews maintenant, nos chroniques de titres en VO. C'est toujours le plus gros morceau hein, dans nos podcasts depuis quelques temps maintenant. C'est toi qui vas commencer, du coup, on reste chez Dark Horse, je crois. Bonne question, Je crois que tout c'est à Dark fait. Horse. Ouais, non, c'est parce que comme c'était publié au départ sur Comixology en digital, j'avais un léger doute. Donc c'est Afterlife, pardon, La série digitale qui a gagné l'Eisner 2020, scénarisée par Chibzarsky et dessinée par Jason Liu, ça doit se prononcer comme ça, et colorisée par Paris Alain. Alors, j'y suis allé pour Chibzarsky, hein, puisque je suis assez fan de ce que fait le monsieur. Et puis, effectivement, l'argument winner of the best digital series 2020 était aussi un argument. Hein. Si ça a été récompensé, on peut supposer que ça a une certaine qualité. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme d'origine asiatique qui est conductrice de taxi pour se faire un petit peu d'argent et arriver un petit peu à sortir de son cocon familial, à prendre son indépendance. Et qui un soir prend un client un petit peu étrange. Et ça va totalement basculer, puisque c'est un démon, on va dire. Enfin, voilà, y a un lien avec les enfers, ce genre de choses. Et elle va devoir aller sauver une personne qui est vouée à finir en enfer. En gros, je ne vais pas en dire plus. Voilà, cette aventure-là, elle va être amenée à. Sa vie va basculer de quelque chose de plan-plan et de commun à un truc un peu épique et fantastique. J'ai bien aimé la façon dont c'était écrit au départ, le basculement. Voilà, cette jeune fille qui conduit son taxi, qui rencontre ce type étrange qui lui explique que ben, voilà, maintenant elle n'a plus le choix. Elle a un nouveau rôle à jouer dans sa vie et elle doit sauver quelqu'un. J'ai trouvé que c'était pas mal. Et puis ensuite, toute la partie qui se passe en enfer avec les démons, là ça tombe un petit peu trop dans le classique et le déjà vu. Voilà, c'est de la fantaisie un peu banale, on va dire. Et là j'ai beaucoup moins accroché. Je l'ai lu en tournant un peu les pages, en me disant quand est-ce qu'il va se passer un truc un petit peu plus intéressant. C'était beaucoup d'action. J'ai pas retrouvé voilà, ce qui faisait le talent de Chibzarsky, les petites surprises. Voilà, souvent dans ses séries, quand même, il arrive à nous bluffer, à nous surprendre. Là, c'était un déroulé classique quelconque, avec une fin ensuite un petit peu poétique, sympathique, mais rien de transcendant. Donc, au final, j'étais un petit peu déçu par cette lecture. C'est pas du Chibzarsky à son meilleur. Au niveau des dessins, Jason Liu et Paris Allen, c'est plutôt sympathique comme dessin. Pas exceptionnel, mais ça reste très correct. Ça convient bien pour le genre d'histoire. Voilà, aussi bien dans la partie réelle terrestre, on va dire, que dans la partie fantastique fantasy. Mais voilà, c'est pas un dessin pour lequel j'irais voir une série en me disant il faut absolument que je regarde ça parce que j'adore ce dessinateur. Non, c'est du bon dessin, mais pas exceptionnel pour que je me déplace pour ça. Donc une lecture juste correcte. Voilà, j'ai pas été plus convaincu que ça. Et j'ai dit ça s'appelait Afterlife, c'est Afterlift, pardon. Afterlift, hein, c'est ça. Hein. Oui, je sais pas pourquoi je dis Afterlife. Et puis en plus, Afterlift. moi, c'est écrit Afterlife dans le Oui, conducteur. bah Je oui. n'ai absolument pas réagi. Mais parce que j'ai écrit n'importe quoi, donc Non, forcément. puis je me rappelais très bien que c'était Afterlift, mais bon, tant pis. Voilà, l'erreur à rectifier, c'est l'essentiel. Voilà, donc Afterlift. Donc, ouais, pas du. Enfin, je le conseille pas comme un coup de cœur ou une très bonne série. Si vous voulez lire un peu dans ce genre-là, on peut se le procurer, mais moi, j'ai pas plus accroché que ça. Ok, très bien. Enfin, très bien, du coup, non, pas très bien, en fait. Ah, on peut pas toujours gagner. Non, on ne peut pas toujours Regarde. gagner. Et puis, il a déjà gagné un Eisner, il ne peut pas non plus gagner notre cœur. Voilà, à savoir ce que pour lui est, ce qui pour lui est le plus important. Alors, je pense qu'il préférerait rendre son Eisner et avoir une bonne chronique de ta part. C'est sans doute vrai, je dois le reconnaître. Bon, à Allez, toi. je vais enchaîner avant de dire trop de bêtises sur mon petit coup de cœur surprise. Enfin, surprise, pas tant que ça, parce que j'avais beaucoup d'attentes sur ce numéro 1. C'est Good Luck. Good Luck numéro 1 de Matthew Herman et Stefano Simeone, sorti chez Boom Studio la semaine dernière, le 24-23 juin. Et le principe, ça c'est le principe, moi, de base sur la sollicitation. La première phrase de la sollicitation, c'était quelque chose comme « Et si la chance devenait quelque chose qui peut se mesurer? » qu'elle devenait quantifiable, palpable, matérielle, je ne sais pas comment vous expliquer, et qu'on puisse mesurer la chance, et qu'en plus de ça, au moment de leur naissance, les humains recevaient un certain quota de chance qui allait les accompagner toute leur vie. Donc certains allaient naître avec une chance maximale, d'autres avec rien du tout, et voilà. Et le monde s'organiserait comme ça. Je trouvais le principe assez cool sur la sollicitation. Du coup, j'ai pris ce numéro 1 pour le lire en me disant « ça peut être sympa ». Et ouais, c'est très, très, très, très, très, très sympa. Tout commence par l'arrivée sur Terre du dieu de la chance et de la déesse, je crois, de la malchance. Ils sont arrivés sur Terre, ils ont évidemment distribué chance ou malchance selon leur nature. Et puis arrive ce qui aurait peut-être dû ne pas arriver, ils se sont touchés l'un et l'autre. Et là, ça a déclenché une espèce de déflagration totale qui fait que 30 ans plus tard, pardon, on est dans un monde complètement gouverné par la chance et par le taux de chance que les personnes reçoivent à leur naissance. On va rencontrer un personnage qui s'appelle Artemis, qui est un jeune garçon qui fait partie des rares personnes à naître avec zéro. À la naissance, il a reçu rien du tout, pas de chance, zéro chance. Et du coup, sa vie, c'est un peu une vie de merde parce que les personnes qui ont un tant soit peu de chance ne veulent surtout pas croiser son chemin parce qu'il peut déclencher des accidents, il réussit rien en général, quoi. Donc, du coup, toute sa vie doit s'adapter à ce fait que il n'a pas eu de chance à la naissance qui lui a été attribuée. Et on va voir un peu comment il se débrouille dans la vie avec ce sacré handicap. Et puis, ce qu'on va découvrir aussi, c'est que les personnes comme lui, qui sont très très très très rares, ont quand même quelque chose d'intéressant, c'est que ce sont les seuls à pouvoir entrer dans une dimension parallèle qui semblerait, parce que c'est pas encore explicité clairement, c'est ce que j'ai cru comprendre, qui semblerait être l'endroit où les dieux se sont touchés. Il y a toute une zone en fait autour de cet endroit-là qui est un peu inaccessible, sauf pour les personnes qui ont zéro chance. Et ils vont devoir faire une mission qui a sans doute une importance pour le destin de l'humanité. Mais comment voulez-vous qu'ils réussissent, que ce pauvre gamin qui a zéro chance, qui ne réussit rien dans sa vie, puisse réussir cette mission? Et c'est ce truc-là qui est très, très, très intrigant et intéressant. Ce sont les seuls à pouvoir rentrer dans cette zone, ce sont donc les seuls à pouvoir tenter cette mission, mais d'office, on se doute qu'ils n'y arriveront pas. Donc qu'est-ce qui va bien pouvoir faire qu'ils vont réussir ou pas réussir, d'ailleurs, j'en sais rien. C'est assez intriguant tout ça. Et ce petit gamin est très attachant, Artemis, et puis les personnages qu'on va mettre autour de lui aussi, il y a un casting secondaire qui semble assez intéressant. Pour le moment, beaucoup de questions, peu de réponses, évidemment, c'est que le premier numéro, une installation. C'est un single classique d'une vingtaine de pages, mais alors on a l'impression d'avoir lu l'équivalent de deux ou trois singles quand on en sort. Alors que pourtant, niveau narration, c'est fluide, les bulles ne nous en racontent pas non plus des pavés de texte, voilà. Mais il s'est passé tellement de choses, c'est tellement rythmé, et on découvre tellement de choses qu'on a l'impression d'avoir lu au moins deux, trois singles, alors qu'on en a lu qu'un. Donc ça c'est quand même signe d'un certain talent. Ça s'appelle Good Luck. C'est déjà pas mal, effectivement. Ça s'appelle donc Vas-y. Non, j'avais vu la cover, mais j'ai pas été... La cover de Yorei Corona. Ouais. Le dessin est pas pareil à l'intérieur. Hein. Non, c'est pas lui. Il a juste signé la couverture. C'est Stefano Simeone qui dessine. Et le style de Stefano Simeone, je le placerais entre un Simone Di Meo et un Daniele Nicolò. Di Nicolò. C'est comme si ces deux dessinateurs, d'ailleurs les deux ils sont italiens, hein, Di Meo et Di Nicolò, que je sache. C'est comme s'ils s'étaient rencontrés, qu'ils avaient fait un bébé ensemble et qu'ils s'appellent Stefano Simeone. Enfin, vraiment, on a un mix de leur style. Va savoir. Hein. Donc, du coup, voilà. Moi, c'est ma petite pépite de la semaine dernière. Parmi tout ce que j'ai lu dans les nouveautés de la semaine dernière, c'est peut-être ce qui m'a le plus enthousiasmé. Et en tout cas, j'irai voir le numéro 2 avec impatience. J'ai hâte d'avoir des retours de lecteurs. Je vais aller voir ça, moi. Ce que ça donne, mais... C'est assez surprenant. Et puis, vraiment, cette espèce de... Juste ce concept de rendre la chance mesurable, quelque chose de palpable, etc. Or que c'est qu'une notion, finalement, et que c'est assez intriguant. Je trouve que le postulat de départ est chouette. Donc, bref, voilà, c'est Good Luck. C'est chez Boom Studio, le numéro 1 est dispo. Vous pouvez vous laisser tenter. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Tout à fait, voilà. Mais avant, tu vas quand même nous faire quelques chroniques en voilà, express. Voilà, je vais rester un peu encore. Un petit pot-pourri comme je l'avais fait voilà. il y a quelques semaines de ça dans le précédent numéro. Tu vas nous parler en vrac de 4 titres. Voilà, je vais revenir soit sur des titres qui sont sortis il y a un petit bout de temps et donc que j'avais pas eu le temps de lire, soit sur des trucs qui ne méritent pas forcément qu'on s'attarde des minutes et des minutes. Alors le premier, c'est The Blue Flame de Christopher Cantwell, Adam Gorham et couleur Kurt Michael Russell. Alors j'ai été intrigué par le pitch. C'est un super-héros, c'est chez Volt. Et j'avoue que quand c'est chez Volt, je vais voir assez facilement ces derniers temps. Donc c'est peut-être ça aussi un peu qui m'a séduit. C'est un super-héros. Alors là, il y a deux séquences dans le comic, dans l'épisode. Là. Première partie, on le voit, c'est un super-héros qui peut traverser, cosmique, hein, qui peut traverser l'univers, on va dire, et qui arrive sur une terre extraterrestre où il est accueilli par des extraterrestres armés jusqu'aux dents et qui l'accompagnent dans leur cité. Et on lui explique qu'il vient pour son procès et qu'il va devoir défendre la race humaine. Donc ça, c'est plutôt intriguant et plutôt pas mal. Et puis une deuxième partie où on le voit dans sa vie de tous les jours sur Terre, donc dans le passé, hein, par rapport à la première séquence. Donc là, il a une vie commune, on va dire. Il travaille dans une usine. Et puis, à un moment donné de la journée ou suivant les circonstances, il se transforme en The Blue Flame, donc un super-héros. Il fait partie d'une équipe de super-héros. Et là, le ton était un petit peu plus potache, on va dire. Et là, ça m'a moins séduit. Voilà, l'équipe de super-héros, là aussi, se lance un peu des blagues, une façon de communiquer entre eux qui m'a... J'ai trouvé ça assez quelconque et pas très emballant. Après, ça se finit sur un cliffhanger un peu intéressant. On ne sait pas trop comment ça va basculer. J'irai voir le 2, mais pour l'instant, je ne suis pas totalement conquis. Alors, c'est Christopher Cantwell, ça peut être très bien, mais des fois, je me souviens avoir lu une série, je ne sais plus comment elle s'appelle. Comment tu dis ? She Called Fly. Si, ça, She Called Fly, j'avais trouvé ça pas mal. Un peu barré, mais compréhensible, on va dire. Et c'est la suivante qu'il avait faite, je me souviens plus comment ça s'appelle, j'avais rien compris. La deuxième partie, du coup ? Non, c'était une autre série, complètement. D'accord. Mais je me souviens plus de son nom. Je vais le retrouver rapidement si je suis efficace. Et là, j'avais rien, mais vraiment rien compris. Donc ça peut être vraiment... C'est assez nébuleux parfois. Ouais, voilà, c'est pas... C'était Everything, voilà. D'accord. Chez Berger Books. Honnêtement, j'avais lu le premier, j'avais rien compris. Donc peut-être que, je sais pas, je suis pas dans le truc là, mais j'avais pas accroché du tout. Là, faut voir, ça peut être potentiellement intéressant. Faut voir comment il gère son truc et si le ton me convient davantage. Bon, pour un titre où je devais faire vite, j'ai pris un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Deuxième titre, toujours chez Volt, c'était I Walk With Monsters. Alors ça, j'en ai parlé plusieurs fois déjà. C'était la conclusion, le numéro 6. Alors depuis quelques épisodes, j'avais trouvé que ça manquait franchement de densité et l'histoire n'avançait pas beaucoup. Bah là, pas vraiment, ça se conclut. Je sais pas trop ce qu'a voulu raconter le scénariste. Alors le scénariste c'est Paul Cornell, et c'était dessiné par Sally Cantirino et colorisé par Deirdre Black Kelly. C'était l'histoire d'une jeune fille dont le frère avait subi une agression sexuelle probablement. Enfin voilà, c'était ce thème-là et la façon de se venger ou pas, comment on gère ce type de traumatisme. Et je trouve qu'au final, sur 6 épisodes, il a pas développé grand-chose. Alors il y a un petit côté horrifique qui est bien plus présent dans cette conclusion, qui est plutôt pas mal rendu graphiquement. J'aime plutôt quand même les dessins. Même si avec le recul, en refeuilletant un petit peu les anciens numéros, je m'aperçois que Sally Cantirino, elle dessine peu de cases par page. C'est souvent 3 cases, donc c'est des cases très grandes. Et c'est peut-être ce qui fait que aussi la narration n'avance pas beaucoup. Quoi. C'est peu dense et ça va très doucement. Peut-être que à la relecture globale, ça gagnera un petit peu en qualité. Enfin, mon avis changera un petit peu. Je trouverai ça un petit peu plus qualitatif. Mais c'est une série qui, au final, m'a un petit peu déçu, on va dire, par son, manque de densité et vraiment ce qu'elle a voulu raconter, même si les personnages sont intéressants et leur relation est intéressante, mais je trouve que le scénariste n'a pas poussé suffisamment, moi, de mon point de vue. Donc une petite déception, je pense que quand j'aurai un peu de temps en 2029, je relirai tout ça et Oui. j'aurai peut-être un avis un peu différent. Mais voilà, un petit peu déçu quand même. Oui, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Ensuite, on passe chez Boom. Là, j'avais deux séries. Alors là, la première, c'est Wind. Donc, on en a parlé beaucoup, hein, de son premier arc. Le deuxième arc a commencé avec le numéro 6. Je n'ai pas eu le temps d'en parler à l'écrit, donc je voulais en dire un petit mot. Donc, c'est toujours James Tynion IV, Michael Gallinas. Eh bien, le deuxième arc démarre sur les chapeaux de roue. Hein. C'est du même niveau que le premier arc, je trouve. L'univers se développe bien. Alors, c'est un univers de fantasy qui parle quand même voilà, de tolérance, de différence. Et là, l'univers se développe bien. Ça prend la suite du premier arc. Si vous avez accroché au premier arc, on peut y retourner les yeux fermés. Honnêtement, j'ai vraiment bien aimé. C'est toujours des épisodes en page. Alors, je sais pas si c'est des épisodes doubles. Enfin, c'est plus de 20 pages. Oui, c'est des doubles Plus quasiment à petit. chaque fois, oui. Ouais, voilà, c'est plus gros que les épisodes classiques, on va dire. Donc ça permet quand même de raconter beaucoup de choses. Voilà, on en a pour son argent, entre guillemets. Et Michael Gallinas, c'est toujours aussi bon. Je trouve qu'il a réussi à créer un univers assez original et on rentre bien dedans. Donc série tout public quand même, relativement. Hein. Peut-être pas tout petit, mais voilà, ça s'ouvre quand même à un public assez jeune aussi. Qui parle, voilà, qui est intéressante et qui parle de la différence. Donc j'ai bien aimé ce début de deuxième arc. Là, le 7 est sorti, mais je l'ai pas encore lu. Il est tout aussi bien. Eh ben, ça me motive. En C'est même du temps, bon timing fort. est-ce que je suis objectif avec Wind? Bah, non, mais non, mais je suis d'accord avec toi. Donc on va dire que ça redonne un petit peu de crédibilité à ta parole. Ça passe du coup. Et pour finir, voilà, ça passe mieux. Pour finir, Proctor Valley Road, que j'ai. C'est le numéro 4, 3, je ne sais plus, 3, pardon. Oui, le 4, je l'ai reçu, mais je ne l'ai pas encore lu. Ben, ce que j'en avais dit, si vous écoutez un peu les podcasts précédents, c'est toujours la même chose. C'est une tonalité que j'aime plutôt. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser au début, ce n'est pas une série horrifique. C'est une série sur des teenagers qui vont devoir gérer justement des phénomènes un peu surnaturels, horrifiques, mais graphiquement et dans l'intrigue, c'est pas d'une grosse tension, hein, on n'est pas apeuré totalement. Non, c'est C'est léger. plutôt, voilà, c'est plutôt le ton léger, moi, qui me plaît en fait. Les relations entre les. C'est surtout les filles qu'on voit là. C'est quand même plutôt sympa, voilà, c'est assez rigolo. Donc c'est en 5. Alors la seule question que je me pose, c'est comment est-ce qu'en deux épisodes, il va pouvoir trouver une conclusion, enfin ils vont pouvoir trouver une conclusion satisfaisante, on va voir, mais Alors, attends et puis d'avoir lu le j'aime bien. quatrième parce que maintenant il n'en reste plus qu'un et je vois toujours pas. Bon, donc je vais pas citer les crédits, mais c'était Alexia et Grant Morrison. Là aussi, je sais pas, alors peut-être que Grant Morrison a décidé de changer de tonalité, mais on retrouve pas le Grant Morrison qu'on a l'habitude de Non. lire, même si ça n'enlève rien à la qualité du titre. Hein. Et c'est dessiné par Naomi Prankis et colorisé par Tamara Bonvillain. Et là, moi, j'aime beaucoup le dessin. C'est un dessin assez rond, très chaleureux, très très direct. Franchement, j'aime beaucoup ce dessin-là. Donc, pour l'instant, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une série vraiment sympatoche, qui est légère plutôt dans son ton et qui fait passer un très bon moment. Oui, c'est vrai. Je suis bien d'accord. Et dernière. Ah non, tu as terminé ton pot pourri, excuse-moi. Je vais enchaîner quand même, mais. Tu vas enchaîner quand même, oui, avec une review sur laquelle tu vas prendre un poil plus de temps, puisqu'il s'agit du numéro Alors, 3 de Beta Rebuild. Beta Rebuild. Alors, je cherche mon comics pour vous en parler. Malheureusement, je l'ai perdu. Ah non, il est là. Très bien. Donc, Beta Rebuild, c'est Daniel Warren Johnson et Mike Spicer. Le duo maintenant quasi exclusif. Enfin, Mike Spicer colorise d'autres comics, mais c'est lui qui colorise les histoires de Daniel Warren Johnson. Donc, c'est la troisième partie sur 5. Ce sera une mini en 5, donc. Donc on suit toujours Beta Ray Bill dans sa quête pour retrouver ses pouvoirs. Là, cet épisode-là, donc là, ils sont descendus vers Muspelheim, pour essayer de retrouver ses pouvoirs sur les conseils d'Odin. Et les deux premiers, le premier épisode était un peu de mise en place. J'avais été séduit, mais sans plus, pas de coup de cœur. Le deuxième avait commencé vraiment à m'enchanter, on va dire. Et là, le troisième, là, il se fait plaisir, Daniel Warren Johnson. Donc, je pense qu'il met un petit peu tous les ingrédients qu'il aime. Donc, il y a beaucoup d'action, des guns énormes, du tir dans tous les sens. Il y a, eh oui, une partie de tennis de table avec Beta Ray Bill. Alors, ça, c'est le top, hein. C'est assez fou. Et voilà, donc c'est l'arrivée sur Muspelheim, et voilà, ils sont accueillis évidemment peu chaleureusement, on va dire, et donc ils doivent s'en sortir, donc ça chauffe pas mal. Donc c'est un épisode essentiellement d'action, mais qui est bourré d'idées, aussi bien graphique que scénaristique. Ça n'a pas comment dire, la tension et le côté dramatique que pouvait avoir Wonder Woman Dead Earth, mais c'est un vrai côté réjouissant. Voilà, moi je me suis éclaté à lire cet épisode. J'ai trouvé qu'il se fait plaisir, il mêle ses propres influences et ses propres plaisirs, on va dire, avec l'univers Marvel. Et franchement, c'est une mini-série vraiment très très sympa. Et donc, comme je le disais, graphiquement, voilà, il se fait plaisir aussi. Hein. Si vous aimez Daniel Bryan Johnson, là, vous ne serez pas déçu. Et puis le cliffhanger, là aussi, laisse supposer que l'épisode 4 va aussi être assez assez fou. Donc une bonne réussite après des débuts, on va dire, corrects, mais qui laissaient peut-être craindre que voilà, il ne réatteigne pas le niveau de ses mini-séries précédentes. Franchement, là c'est bien parti, ce numéro 3, moi, m'a franchement convaincu. Très bien. C'est un autre numéro 3 dont je vais parler. Le hasard de la répartition veut cela. Un numéro 3 d'une série événement. C'est quand même le moins que l'on puisse dire, vu les ventes du numéro 1, qui sont les meilleures ventes historiques, je crois, hein, pour une série indé ou quelque chose comme ça. En tout cas, les meilleures ventes pour l'éditeur. Mais je crois que c'est vraiment pour les séries indé tout court. C'est évidemment Berserker de Keanu Reeves, Matt Kint, Ron Garney et Bill Crabtree, pardon, pour la couleur, les couleurs. C'est donc le numéro 3. Et j'ai pas trop aimé. Les deux premiers numéros étaient très enlevés, très sympas. On faisait la connaissance d'un personnage qui, moi, me plaisait bien, qui était le personnage de B, le Berserker. Keanu Reeves, hein, on va pas se mentir, hein, il a été dessiné d'après lui. Hein. Maintenant, ce numéro 3, c'est toujours dans le même ton, sauf que ben, j'ai pas l'impression que ça avance beaucoup en fait, cette histoire-là. J'ai pas l'impression d'avoir appris grand-chose. J'ai l'impression d'avoir eu un numéro de baston sur des encore qui succède à une baston, qui succède à une autre baston, le tout. À chaque fois plus sanglant et plus gore que la fois précédente, mais ça fait pas trop avancer le truc, quoi. Donc, alors oui, c'est bien, hein, Berserker, c'est un personnage qui est capable de se fighter, d'être, il est invincible, il est immortel, donc voilà, c'est une vraie arme, il est hyper violent, tout ça. Ouais, mais on le savait déjà en fait. Et du coup, bah là, c'est un poil décevant ce numéro 3. Donc j'espère que le numéro 4 redressera la barre et qu'on fera un peu avancer l'histoire et qu'on nous apprendra, qu'on nous fera découvrir plus de choses. Parce que si cette série ne devient qu'une succession de numéros dans lesquels ça se bastonne et ça gicle du sang, ça m'intéressera plus très longtemps. Donc à suivre. Ok, moi j'ai pas commencé, ça m'a pas du tout attiré. Puis après j'en avais entendu quelques critiques assez moyennes, donc j'ai passé mon tour. Donc ouais, bah je, si ça continue sur l'ancien numéro 3, je risque de le passer assez vite aussi. Je te laisse continuer. Ce n'est pas un numéro 3, c'est un numéro 16. Un numéro 16 qui est un petit peu un numéro 1, on va dire, puisque c'est Something is Killing the Children, qui au départ était prévu en 15. Hein. C'était ce qui était prévu, mais vu le succès de la série, Eh oui. ils ont décidé de continuer. Et ce nouvel arc revient sur les origines, on va dire, du personnage principal. Donc c'est James Stanford, dont on a déjà parlé, Werther Del Edera et Michael Muerto aux couleurs. Quand j'ai hésité à prendre ce numéro 16, parce que les derniers numéros de l'arc précédent, on va dire à partir du 12, 12, 13, c'était franchement en dents de scie. Au niveau du rythme, je trouve que certains épisodes, ça se lisait pardon, très très vite. Ça manquait vraiment de densité. Ça remontait un petit peu l'épisode d'après, etc. Enfin voilà, ça n'avait plus la qualité des débuts. Donc j'ai hésité à reprendre la suite en single ou à attendre le TP voilà, pour tout dire d'un bloc. Et j'en avais entendu un petit peu parler en négatif, comme quoi c'était aussi là encore peu dense et il n'y avait pas grand-chose de raconter. Et au contraire, moi j'ai été très agréablement surpris. Donc on va nous raconter dans cet arc les origines d'Erika, donc la chasseuse de... Et donc là, on la voit plus jeune. Alors je ne vais pas raconter et dévoiler l'histoire si vous ne l'avez pas lu et puis ce serait un peu gâcher la lecture. Mais bon voilà, c'est ses origines qui commencent. On voit comment est-ce qu'elle va être intégrée, recrutée dans cet organisme qui va l'utiliser comme chasseuse de monstres. Et j'ai trouvé que c'était très bien écrit. J'ai retrouvé le plaisir que j'avais eu dans les premiers numéros. Beaucoup de mystères, un vrai sens de la narration pour James Tynion IV. Et puis cette héroïne, enfin, oui, cette héroïne, Erika, voilà, retrouve toute sa part de mystère qu'elle avait au début de la série. Moi, j'ai vraiment bien accroché et graphiquement aussi, j'ai retrouvé le plaisir que j'avais eu dans les premiers épisodes avec. Une mise en page travaillée, des doubles pages, des cases découpées un petit peu voilà, dans tous les sens, beaucoup de travail sur les couleurs. Moi, j'aime beaucoup le travail de Mikael Muerto sur cette série, avec ce visage, ses cheveux un peu blancs, quasi blancs, et ce regard vert là. Franchement, j'ai retrouvé le même plaisir voilà, que j'avais eu au tout début. Donc je trouve que ce nouvel arc qui va nous raconter les origines débute très bien. Donc je vais continuer en single, finalement. D'autant plus qu'en plus en VF, ça sort chez Urban, en Urban Link, micro format loop non fourni. Donc je me dis que bon, après en TP chez Boom, ça sera la même taille que les singles. Mais voilà, ça permet de mettre en valeur quand même le travail de Werther Dedera et Miguel Marteau. Donc, je vais pas dire bonne surprise parce que bon, on n'est pas au début d'une nouvelle série, mais je retrouve vraiment le plaisir des débuts. Donc, ça m'a totalement satisfait. C'est cool ça. Est-ce que tu ne penses pas que la fin de l'arc précédent était plus faible et moins rythmée à cause du fait que le père Tynion IV a dû la modifier un peu pour pouvoir permettre la série de continuer? Vu que c'était Je prévu que ça sais aurait été un pas. numéro 15, Ah oui. il a sans doute annulé sa fin, il en a fait autre chose pour que ça puisse Je repartir. crois. C'est vrai que la fin était très classique, on va dire. Il n'y a pas de surprise. La fin, le dernier épisode n'était pas mauvais, mais j'ai pas été surpris, quoi. On range les jouets un petit peu. C'était ça un peu l'idée. D'accord. Moi, c'est pas. Tu l'as lu Non, jusqu'au. je ne suis pas encore là, donc c'est Ah, pour tu l'as pas lu. ça que je Pardon. te pose juste la D'accord. question. J'allais. J'allais. De manière totalement naïve, en fait. Je ne vais rien divulguer alors. Je C'était suis le pas mignon. sûr. Je suis pas sûr. Je pense que ça peut être sur certaines de ces séries un défaut aussi de pas trop densifier son histoire. C'est vrai qu'il y avait un épisode, je sais plus lequel c'est, où ils étaient lui et enfin Erika et James, le jeune garçon là. Au début de l'épisode, ils étaient dans la camionnette et puis à la fin de l'épisode, ils sortaient de la camionnette, quoi. Il s'était rien passé entre le début et la fin. Je crois que je l'ai vu cet épisode. Celui-ci était quand même assez moyen, on va dire. Je ne suis pas sûr. Oui, il a sans doute modifié sa fin. Il avait peut-être une fin plus choc prévue. Peut-être. Mais encore. Oui, si, sans doute. Mais non, je pense que c'est peut-être un petit peu un tic d'écriture qu'il a peut-être tendance des fois à appliquer. Même si sur ses autres séries, ce n'est pas forcément le cas. Alors après, j'ai abandonné Batman, donc je ne peux pas dire. Mais sur les séries. Les autres séries indées, il est quand même assez efficace quand même en termes d'écriture. Ok. Donc j'avoue que là, je n'ai pas de réponse ferme, définitive à ta question. Mais ce premier épisode est bien plus enthousiasmant que les derniers épisodes qui ont clos l'arc, quoi. Donc il m'a recapté une nouvelle fois, donc je vais continuer. Très bien. Ce que je te propose de faire, c'est de s'arrêter pour ce 313 et de garder le reste pour un 314 dans la foulée. Comme cela, ça fera une heure d'émission pour les auditeurs et pas beaucoup plus comme nous avons l'air d'être partis pour faire. Un petit peu. On va donc souhaiter une belle soirée, une belle journée aux personnes qui nous écoutent, les remercier de nous écouter et vous donner rendez-vous du coup très rapidement pour un numéro 314 que nous, on va enregistrer dans la foulée, mais que vous entendrez sans doute d'ici une semaine ou deux, le temps de laisser un petit peu d'espace entre les émissions. D'ici la prochaine fois, évidemment, profitez bien de vos comics, prenez soin de vous et bonne lecture. À très vite. We'll be right back.